météorites viennent d'ailleurs et cet ailleurs est lointain. Ainsi, l'émotion ressentie par les êtres humains devant les météorites provient-elle d'un vertige, celui que l'on éprouve devant la matérialisation soudaine de l'étrange? Les météorites, c'est le ciel descendu sur Terre. Ces mots ne sont pas les miens, ce sont ceux du commissaire de l'exposition Météorites entre ciel et terre qui vient d'ouvrir au Muséum d'Histoire Naturelle et qui résume parfaitement le rapport de l'être humain aux objets tombés du ciel, ces objets qui racontent l'au-delà, qui sont des vestiges de nos origines avant que nos molécules ne se combinent en vivant. Au commencement étaient les météorites, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et l'auteur de ce très bel avant-propos que je viens de vous lire est autour de la table de la méthode scientifique aujourd'hui. Bonjour Mathieu Gounel. Bonjour. Vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, chargé de la conservation des météorites et donc commissaire de l'exposition que j'évoquais à l'instant et qui court jusqu'au mois de juin. Vous êtes également l'auteur d'Une belle histoire des météorites et de Météorites à la recherche de nos origines, les deux coédités par Flammarion et par le Muséum. Nous avons également le plaisir de recevoir aujourd'hui Brigitte Zanda, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse au Muséum d'Histoire Naturelle, également responsable scientifique du programme Vigiciel, programme de sciences participatives consacré à l'observation des météorites dont vous nous parlerez tout à l'heure. Et vous avez co-dirigé avec Sylvain Boulet un ouvrage collectif qui s'appelle Impact des météores au cratère et c'est édité aux éditions Belin. Voilà, vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors pour commencer, une fois n'est pas coutume, eh bien on va tout simplement aller la visiter, cette exposition avec vous, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Racontez-nous tout, vous avez tout vu en avant-première. Exactement, aux côtés de Sophie Grisolia qui a conçu l'exposition avec vous, Mathieu Gounel. Elle m'a embarqué dans les 1000 mètres carrés de la Grande Galerie de l'Évolution, où on se promène dans l'espace et le temps des météorites. Vous avez voulu que cette exposition soit pointue d'un point de vue scientifique, mais qu'elle soit aussi poétique, avec des œuvres d'art qui ponctuent le parcours. Et sans flagornerie aucune, c'est vraiment beau, instructif et très réussi. Alors on est au tout début de l'exposition et on est accueilli par une première météorite qui fait environ 40 kilos et qui s'appelle Tiberamine, qui est tombée en Algérie et qui a été trouvée en 1967 et qui nous accueille pour dire que voilà, il y a plein d'autres météorites comme elle tout au long de l'exposition. Comment elle a été conçue cette exposition? Quel parcours en fait est proposé aux visiteurs? Alors, on a 1000 mètres carrés d'exposition, donc ça permet de raconter des grandes histoires. On a trois parties dans l'exposition. Une première partie où on est accueilli par les chutes de météorites, ces drôles de cailloux qui tombent du ciel. Dans la deuxième partie, on va découvrir d'où viennent ces météorites, quels sont les différents types de météorites. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'exposition, on découvre qu'est-ce que nous apprennent ces météorites. Finalement, est-ce que ces cailloux, ça nous apprend beaucoup de choses? Ça nous apprend des choses sur l'histoire de notre système solaire à plus de 4 milliards d'années. Donc là, on passe dans une autre salle, alors cette fois avec des météorites. Là, on a plein de vitrines de météorites, puis on a également des photos. Dans cette première salle, en fait, juste à côté de nous, il y a plusieurs météorites françaises. On a la dernière météorite tombée en France, la météorite de Draveil. Et c'est en banlieue parisienne. Hein. Elle est tombée sur le toit de Madame Comète. Donc ça ne s'invente pas. La plus grosse météorite de France, qui est juste devant nous, qui fait plus de 600 kilos, qui est une énorme masse de fer, a été trouvée dans les Alpes. Alors elle est tombée il y a des milliers d'années, mais en fait, elle a été découverte au XVIIe siècle. Elle a servi de banc devant une église pendant des années. Le maréchal ferrant du village a pris du fer dedans à découper pour faire des fers à ses mulets. Donc voilà, finalement le muséum a récupéré la pièce et exposé dans l'exposition. Plus de 4000 météorites sont présentes dans les collections, les collections du muséum. Comment vous avez fait votre sélection? Alors, On en présente plus de 300 dans l'exposition, donc c'est moins de 10% en fait. Alors on a choisi celles où il y avait des très belles histoires à raconter, comme celles qu'on vient de raconter. On en a choisi pour des raisons esthétiques, parce qu'elles sont très belles, comme on les voit dans la deuxième partie. Et on en a choisi aussi pour leur valeur scientifique. Certaines sont parfois pas très esthétiques, elles n'ont pas une histoire incroyable. Par contre, elles ont une valeur scientifique incroyable, parce qu'elles viennent de comètes, parce qu'elles donnent l'âge du système solaire. Donc là, on vient de traverser une espèce de mini-planétarium. Voilà, on vient de traverser le vaisseau de l'exposition, dans lequel on rentre dans la deuxième partie de l'exposition. Donc c'est une coupure vraiment par rapport à la première partie. Et quand on sort de ce vaisseau, là où nous sommes devant deux grandes vitrines où on a plus de 80 météorites qui sont exposées. Et là... là, elles sont coupées, elles sont tranchées. On voit l'intérieur de ces météorites. Donc certaines ont des loupes parce qu'à l'intérieur, il y a des objets qui remontrent ces petites billes de roches qui ont complètement disparu, qu'on ne trouve pas dans les roches terrestres. Voilà, on retrouve ça dans les météorites et c'est ce qu'on voit dans ces vitrines. Puis on a des météorites de fer, donc c'est des petits bouts d'astéroïdes de fer qui parviennent jusqu'à nous sur Terre. Et quand on les tranche et quand on les polie, on a vraiment des miroirs cosmiques devant nous. Et puis il y en a d'autres qu'on rétroéclaire. Là où il y a de l'olivine, c'est une roche un peu verte, un peu jaune. Et c'est très joli et ça fait vraiment des pièces magnifiques. Alors on arrive dans la troisième partie de l'exposition où là on va découvrir en fait ce que nous apprennent ces fameuses météorites, est-ce qu'elles nous apprennent des choses. Et une des plus importantes de la collection du muséum est la météorite d'Orgueil. Alors cette météorite, en fait elle est extrêmement rare, elle est probablement d'origine cométaire, c'est-à-dire que c'est probablement un bout de comète, et surtout c'est qu'elle a la composition du Soleil. Les météorites issues de roches lunaires et martiennes sont elles aussi très rares. Là, il y en a quelques échantillons. Oui, c'est de moins de 1% des chutes, donc c'est extrêmement rare. Donc là, on a des vitrines où on voit des météorites, des morceaux de Mars et des morceaux de Lune. Et en plus de ça, on peut en toucher. Beaucoup de ces météorites sont sous vitrine, bien sûr, parce qu'elles sont étudiées et c'est extrêmement rare. Mais on a mis deux échantillons qui sont accessibles aux visiteurs et donc on a la chance de pouvoir toucher un vrai morceau de Lune et un vrai morceau de Mars. C'est là où il y a les deux jeunes hommes. Ok, je vais essayer de décrocher la Lune. Alors j'espère que vous n'allez pas réussir à la décrocher, ça nous arrangerait, mais que déjà vous puissiez toucher la Lune. Ouais. Donc vous avez la loupe sur le dessus et en fait quand vous passez votre main, vous avez accès en fait à la pierre. Et pour synthétiser tout ça, donc on arrive là à la fin de l'exposition, juste devant nous, donc on a plein d'enfants qui sont couchés sur une immense table tactile. Voilà, juste au-dessus, il y a écrit la fabrique des météorites. Et donc, pendant ce dernier jeu, en fait, on propose aux visiteurs de fabriquer deux météorites, une météorite de fer et une météorite de pierre. Et donc, il faut jouer à plusieurs. Et c'est une façon de faire la synthèse aussi de tout ce qu'ils ont vu dans l'exposition et de remettre en commun. Et puis, juste derrière, on a un film, parce que est-ce que faut-il encore chercher des météorites? Alors oui, Mathieu Gounel, Jérôme Katatcheka, qui sont commissaires, conseillers scientifiques de l'exposition, repartent dans 15 jours dans le désert d'Atacama. Je trouve qu'au-delà de la dimension dans cette démarche scientifique, il y a quelque chose de très beau aussi sur là où ça nous emmène, beaucoup plus loin en fait, dans ce cosmos, dans voilà, juste ces cailloux qui nous emmènent beaucoup plus loin. Voilà, vous avez un peu de temps encore pour pouvoir aller assister et visiter cette exposition dans la Grande Galerie de l'Évolution au Muséum d'Histoire Naturelle. Elle a commencé le 18 octobre dernier, elle se poursuit jusqu'au 10 juin 2018. Peut-être simplement, vous qui êtes commissaire Mathieu Gounel, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Est-ce que ça donne un aperçu de ce que vous avez cherché à mettre en place? Oui, ça donne un très bel aperçu de deux choses. C'était assez émouvant pour moi d'entendre ça parce que généralement, j'ai parlé énormément avec Sophie Grisolia ces trois dernières années pour préparer, concevoir, monter l'exposition. Donc on a parlé de météorites, mais des heures. Et c'est la première fois que je l'entends en parler à d'autres. Mm-hmm. Donc c'est assez touchant et de dire le point de vue qu'elle a maintenant sur l'exposition, une fois qu'elle est installée. Donc ça, c'était assez émouvant. Et puis aussi, oui, je pense qu'on ressentait assez bien l'atmosphère de l'exposition, qu'on a voulu effectivement assez poétique, et qui fait appel au sens, aux émotions, tout autant qu'à l'intelligence. Donc c'était le défi, c'était un petit peu de mélanger tous ces aspects-là, les différentes facettes des météorites. Et le reportage, je trouve, en rend très bien compte. Brigitte Zanda, votre opinion sur ce que vous venez d'entendre sur l'exposition en règle générale? C'est vrai que les météorites, on va l'entendre au cours de cette heure, ça définit un nombre de réalités astronomiques, si vous me passez le jeu de mots, en tout cas des réalités très très distinctes. Comment rendre compte de tout ça dans une exposition, quand bien même elle fasse 1000 mètres carrés, c'était un défi? Oui, c'est une très belle expo muséum. Je vais faire la pub pour la maison, mais c'est vraiment une belle expo muséum. Les couleurs, un ensemble, une présentation qui est très belle. Et puis, il y a beaucoup de très, très beaux objets à voir. Donc, je ne peux qu'inciter le public à aller la visiter, bien sûr. On incite évidemment les auditeurs. Et quand on a vu Antoine Beauchamp revenir avec un sourire, il avait rajeuni de 25 ans. Il était ravi de cette exposition. Donc, je vous assure que ça marche pas que pour les enfants. Ça marche aussi tout à fait pour les adultes. Un mot, Mathieu Gounel, le point de départ, à quel moment? Alors, on a entendu que vous avez évidemment une grande collection de météorites diverses et variées au muséum. À quel moment vous décidez finalement de faire le tri dans cette collection, de l'exposer, de l'organiser? Comment ça s'est passé? C'est évidemment un processus extrêmement long. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un point de départ. C'est toujours un ensemble de choses. C'est probablement un désir assez ancien, un goût pour la vulgarisation. Et puis aussi le désir de montrer cette collection de météorites du muséum, qui est une collection exceptionnelle, qui est en partie montrée, mais malheureusement pas suffisamment. La dernière exposition avait eu lieu il y a 20 ans, enfin maintenant 20 ans, et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le domaine des météorites depuis 20 ans. Et c'était aussi le désir de faire le point sur les dernières avancées scientifiques, sur les progrès de notre compréhension de la formation du Soleil et de la construction planétaire. On va en parler au cours de cette heure, mais alors je vais prendre un point de vue volontairement un peu provocateur. Exposer des météorites, c'est exposer des cailloux, quand bien même ils soient tombés du ciel, quand bien même ils véhiculent un imaginaire. C'est pas évident d'exposer des morceaux, des fragments de roche, des fragments de métal. Comment est-ce qu'on tourne justement les choses, la façon, comment est-ce qu'on intéresse, comment est-ce qu'on arrive à raconter cette histoire-là en dehors de présenter des petits morceaux de roche ou des petits morceaux de métal? C'est ça qui a rendu la préparation et la réalisation de cette exposition intéressante, c'est de répondre à ce défi, d'aller au-delà justement de l'exposition de cailloux. C'est vrai que des cailloux, on peut dire, sont des cailloux et on pourrait penser que c'est des cailloux un peu améliorés. Voilà, que ça peut lasser assez vite. Et donc, toute l'idée était de rendre compte, finalement, à la fois du mystère que recèlent les météorites, de rendre compte de leur histoire et de rendre compte aussi de tout ce qu'elles peuvent nous apprendre du point de vue scientifique. Donc, les météorites sont des objets assez complexes qui font appel à notre imaginaire. À notre imaginaire scientifique, à notre imaginaire poétique, et tout le défi était de rendre compte de toutes ces différentes facettes dans une exposition de façon visuelle, de façon immersive, en faisant entrer une dimension de matérialité aussi. C'était assez important pour moi qu'on puisse toucher les météorites, qu'on puisse les éprouver, qu'on puisse les sentir, qu'on puisse vraiment sentir ce caractère étrange, ce caractère venu d'ailleurs. Et donc toutes ces questions-là, on les avait en permanence en tête, et à chaque étape on se pose des questions, on résout des problèmes, des vrais problèmes muséographiques, scénographiques. On prend des décisions, parfois irréversibles, et petit à petit, on avance et on arrive à une exposition. Alors, une question, et puis on va rentrer justement dans l'aspect scientifique et sur l'avancée de nos connaissances de ces météorites. On entendait à la fin de ce reportage que vous êtes sur le point de repartir au Chili, dans le très très beau et très aride désert de San Pedro d'Atacama. On en a trouvé beaucoup des météorites. Il y en a une quantité déjà incroyable qui a été retrouvée, celle qu'on évoquait tout à l'heure, la collection du Muséum d'Histoire Naturelle, mais c'est vrai à l'échelle planétaire. Qu'est-ce qu'on cherche encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on cherche à trouver en plus qu'on n'ait pas déjà répertorié, recensé, disséqué? Chaque nouvel échantillon, de toute façon, peut potentiellement nous apprendre des choses inédites sur notre histoire, sur l'histoire du système solaire. Quand on va dans l'Atacama, la majorité des météorites que l'on trouve ne sont pas particulièrement intéressantes du point de vue scientifique. Cependant, pour en trouver qui sont intéressantes, pour en trouver qui sont nouvelles, pour en trouver qui sont inédites, il faut en trouver beaucoup. C'est juste une question de statistique, de proportion. Donc c'est pour ça qu'il est important d'organiser régulièrement des campagnes, d'avoir de plus en plus de météorites pour parmi ce nombre avoir quelques trésors. Et c'est un peu ce dont on veut rendre compte dans la salle de l'exposition qui est dédiée à ces expéditions. On montre un film qui rend compte de ces expositions et il y a une vitrine un peu trésor et ce sont les 5 météorites les plus importantes du point de vue scientifique ou les plus curieuses que l'on a trouvées au cours de cette expédition et au cours desquelles on a trouvé quand même plus de 1000 météorites. Alors bien sûr, il y en a plus que 5 qui sont intéressantes, mais là on en a choisi 5 pour dire voilà, parmi toutes celles qu'on trouve, il y a quand même des spécimens qui sont plus intéressants que d'autres. C'est notre vitrine un peu le trésor de l'Atacama. On peut faire d'ailleurs, Brigitte Zanda, le distinguo entre trouvailles et chutes, c'est pas du tout la même chose. Là, quand Mathieu Gounel part dans l'Atacama, c'est pour faire des trouvailles, c'est-à-dire pour essayer de tomber sur des météorites qui sont certainement là depuis très longtemps, qui ont déjà été oxydées, transformées par l'atmosphère et par le milieu terrestre. Vous, ce que vous cherchez plutôt avec un autre projet dont vous nous parlerez tout à l'heure, qui est le projet Fripon, c'est des chutes. Oui, parce que quand une météorite séjourne au sol, très vite, elle va s'altérer, il va y avoir des nouveaux minéraux qui vont se déployer et qui vont finalement oblitérer l'information que recèlent ces objets. Donc plus on les trouve rapidement et plus l'information qui est contenue est fraîche. Mmh. En particulier, les météorites les plus intéressantes sont souvent extrêmement fragiles, donc vont se défaire vraiment très très tôt. Mmh. Et un mot aussi sur la même question que je posais à Mathieu Gounel tout à l'heure. C'est important de continuer à chercher. On pense qu'on peut encore trouver, qu'on peut encore découvrir des météorites, des types de météorites, des types d'alliages qu'on n'a pas encore, sur lesquels on n'a pas encore mis la main aujourd'hui. C'est-à-dire que les météorites, c'est vraiment chaque météorite, c'est une fenêtre sur un endroit dans l'espace et un moment dans le temps. Hein. C'est vraiment des sondes de l'espace et du temps du pauvre, puisque ça nous permet d'avoir des échantillons auxquels on n'a pas accès autrement. Hein. Mmh. Faut quand même préciser que pour le moment, on a ramené des échantillons que de 3 corps du système solaire. C'est vraiment très peu. Chaque météorite peut être un échantillon d'un nouveau corps. Donc fatalement, il y a vraiment des choses qui vont être extrêmement intéressantes et plus on va en retrouver, plus on a de chances de trouver des choses qui vont être nouvelles et intéressantes. Et qui peut être complètement inattendu. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, 16h18 dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons des météorites avec Mathieu Gounel, qui est commissaire de l'exposition Météorites entre ciel et terre, et Brigitte Zanda, qui est enseignante-chercheuse au Muséum d'histoire naturelle et responsable scientifique du programme Vigiciel. Alors, on a entendu tout à l'heure la structure de l'exposition. Hein. Enfin, vous allez nous dire, on ne s'est pas beaucoup foulé, parce que c'est à peu près celle que nous allons tenter de suivre dans le déroulé de cette émission, avec pour commencer ce que j'appelle un peu d'astrotaxonomie, parce que comme on a entendu déjà, et comme vous venez de le dire, quand on parle de météorites, on parle de beaucoup de réalités très différentes. Qu'est-ce que c'est qu'une météorite? Quel est le socle commun qui permet de nommer tous ces objets distincts de la même façon? Mathieu Gounel. Donc une météorite, pour faire un peu simple, c'est une roche extraterrestre qui est tombée sur Terre. On distingue le météoroïde, qui est la roche quand elle voyage dans l'espace ou quand elle traverse l'atmosphère terrestre, traversée relativement brève, de l'ordre de quelques secondes, quelques dizaines de secondes ou plus. Et puis, ça devient une météorite une fois que ça a tombé le sol. Et de fait, il y a un très grand nombre de types de météorites. Hein, on peut en compter jusqu'à 100. C'est presque une activité de moine copiste que de recenser, classer, mais ça, c'est néanmoins très, très important. Et chacune de ces météorites provient de ce qu'on appelle un corps parent différent, donc c'est-à-dire qu'elles proviennent d'un corps différent. Et donc chaque type de météorite raconte l'histoire de ce corps, donc l'histoire présente, sa situation présente, mais aussi le passé de ce corps. Et par ailleurs, tous ces corps dont proviennent les météorites, pour l'essentiel des astéroïdes, pour la très très vaste majorité des astéroïdes, sont tout simplement des corps qui ont conservé des différentes étapes de la construction planétaire. C'est en gros, pour simplifier, des gravats de construction d'une planète, les débris de construction d'une planète qui ne s'est pas faite, qui ne s'est jamais faite. Et il y a différentes étapes qui ont été conservées. Et donc, en étudiant ces différents types de météorites, on étudie différentes étapes de la construction planétaire. Construction assez complexe, qui n'a pas été nécessairement la même pour Mars, pour la Terre, pour cette planète putative qui ne s'est pas formée, qui entre aurait Mars pu Jupiter, se former à partir des astéroïdes entre Mars et Jupiter. Mais en tout cas, chaque type de météorite peut nous apprendre quelque chose sur un moment particulier de cette construction planétaire. Mmh. Mathieu Gounel vient de dire que la plupart des météorites proviennent d'astéroïdes, mais il y a encore une fois, le corps d'origine peut être très différent. Il y a même des météorites qui sont des morceaux de la Lune ou de Mars. On l'entendait dans le reportage tout à l'heure, Brigitte Zanda. Oui, tout à fait. On a effectivement des fragments très très bien identifiés de la Lune. Alors ça, c'est facile à reconnaître. Il a suffi de comparer avec les échantillons lunaires qu'on avait rapportés. Pour Mars, ça a été plus difficile d'identifier à coup sûr ces objets. Mais il y a un certain nombre d'évidences qui nous montrent d'abord qu'elles viennent toutes du même corps à cause de des propriétés de leur oxygène. Et puis leur âge de cristallisation, 1,3 milliard d'années. Un corps qui était encore actif, il y avait encore un volcaniste actif dans le système solaire. Il n'y en a pas beaucoup de planètes candidates. Et puis les gaz rares qui sont piégés dans ces roches. Donc on a vraiment la preuve, on est vraiment absolument convaincu à 99,9% que ces roches, c'est des fragments de Mars. Donc c'est deux corps planétaires auxquels nous avons accès, et de Mars, pour le moment, nous n'avons rapporté aucun échantillon, parce que c'est évidemment quelque chose de très compliqué à faire. Et quand j'ai commencé ma carrière, on nous disait, oui, à l'horizon 2010, on aura des échantillons de Mars, et plus on avance, et plus ça recule dans le temps, le moment où on pourra rapporter ces échantillons. Il y a également les comètes, qui font partie de certaines météorites. Alors, en quelle proportion? Est-ce qu'on a une idée des proportions, même si c'est majoritairement, encore une fois, des astéroïdes? Alors, pour le moment, il n'est pas démontré qu'on ait de fragments de comètes sous forme de météorites. Dans les micrométéorites, où il y a vraiment des échantillons qui sont différents de tous les autres, et qui, eux, sont probablement des fragments de comètes. Mais pour ce qui est vraiment des météorites, je sais que pour la météorite d'Orgueil, ça a été mentionné, mais en fait, ça repose sur un témoignage. C'est très difficile d'avoir la certitude. La météorite d'Orgueil, il faut que vous nous rappeliez que ça n'est pas le péché capital, mais que c'est une ville. Oui, alors c'est une météorite qui est tombée il y a un peu plus de 150 ans dans le sud de la France, dans le Tarn-et-Garonne, en 1864. Et c'est une météorite qui a la même composition que le Soleil. Vraiment, à part les éléments volatiles, bien sûr, le Soleil, c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Mmh. Mais si on pouvait enlever l'hydrogène et l'hélium du Soleil, il nous resterait un petit sac de poussière, là, qui correspond à peu près à 1% du matériel. Et ce matériau a exactement la même composition que la météorite d'Orgueil, ce qui nous dit que c'est probablement le matériau qui constituait le nuage de gaz et de poussière à partir duquel sont formés le Soleil et les planètes. C'est ce qu'on entendait aussi tout à l'heure, on disait que c'est la composition du Soleil. Donc effectivement, ce qui est intéressant dans ces météorites, c'est que là aussi, on retrouve dans la diversité de ces corps qui chutent sur Terre, des corps qui viennent de plus ou moins loin dans le système solaire et qui nous renseignent vraiment comme des espèces de tranches d'histoire sur la formation, sur la composition, sur l'évolution du système solaire, Mathieu Gounel. Oui, étudier les météorites, ça revient à voyager donc, dans le temps et dans l'espace. Donc on se déplace à la fois dans le passé du système solaire et puis aussi on s'éloigne du Soleil en échantillonnant des tas de matériaux. Il y a probablement un continuum de toute façon dans tous ces corps, qui ont formé ou qui forment les planètes. Et pour revenir pour cette question des météorites cométaires, il y a aussi, moi je pense que cette idée de la distinction si forte entre astéroïdes et comètes est une idée qui est quand même en train de disparaître un petit peu. Et il y a des astéroïdes qui ressemblent beaucoup à des comètes, et des comètes manifestement qui ont des propriétés très proches de certains astéroïdes. Oui, pour le redire en deux mots, on avait consacré une émission justement à ça, aux géocroiseurs en règle générale. On parle plutôt d'astéroïdes quand il s'agit de morceaux de roche qui viennent de la ceinture de Kuiper. On parle de comètes quand c'est des objets un peu plus lointains qui sont a priori plutôt constitués de glace. Voilà, à la louche. Alors, les astéroïdes, c'est de la ceinture d'astéroïdes. Hein, la ceinture de Kuiper, justement, c'est plutôt le réservoir, des comètes. Oui, effectivement, la majorité des comètes, si ce n'est toutes les comètes, un peu par définition, contiennent de la glace. Mais il y a certainement des astéroïdes qui contiennent aussi de la glace. Et si on les approchait du Soleil, présenterait une activité cométaire. Donc ce distinguo astéroïde-comète est aussi un distinguo observationnel, d'une certaine façon, avant même d'être un distinguo de nature. Quand, une fois que ces météoroïdes sont entrés dans l'atmosphère, et on expliquera tout à l'heure un peu tous les principes physiques qui sont à l'œuvre pour arriver aux fragments qui arrivent sur de roches ou de métal que l'on retrouve sur Terre, comment arrive-t-il en fait finalement? Comment est-ce qu'un objet, un géocroiseur qui est en orbite dans la ceinture d'astéroïdes finit par dévier pour venir sur Terre? Pourquoi est-ce qu'un objet lointain du nuage d'Oort va finir à un seul coup par changer de trajectoire et venir s'écraser chez nous? Bon, tout ça résulte de phénomènes assez complexes, mais tout commence généralement par une collision. Enfin, tout commence par une collision entre deux corps, donc généralement soit un astéroïde contre un autre astéroïde ou un astéroïde contre une planète qui arrache des fragments il y a des fragments qui sont arrachés. Ensuite, il y a tout un tas de phénomènes dynamiques relativement complexes qui font que ces corps se déplacent. Ils continuent tous à tourner autour du Soleil. Il faut vraiment bien voir que dans le système solaire, tout tourne autour du Soleil. Ensuite, on peut tourner de façon plus ou moins régulière. Donc la Terre est sur une orbite qui est probablement le même depuis des centaines de millions d'années, peut-être même des milliards d'années, et ne dévie pas de cette orbite. Elle met un an pour tourner autour du Soleil. Les corps qui sont plus petits peuvent avoir des évolutions orbitales beaucoup plus complexes et peuvent avoir des orbites qui peuvent être déstabilisées. Donc c'est ce qui se passe pour les fragments de certaines collisions qui ont des orbites un petit peu plus erratiques et parfois ces orbites peuvent les conduire à rencontrer la Terre et à tomber sur Terre. Et là se passe une chute de météorites qui est quelque chose, il faut vraiment voir que c'est quelque chose de très spectaculaire, d'assez exceptionnel. Donc vous avez quelque chose qui se déplace à des dizaines de kilomètres par seconde et qui rencontre l'atmosphère d'une planète et qui pénètre avec violence, avec force, avec impétuosité dans cette atmosphère. Impétuosité, on en reparlera dans un instant. On va rester un peu sur cette taxonomie des météorites. Je suis obligé de vous poser la question, puisque c'est une information qui est tombée il y a très très peu de temps. Un géocroiseur un peu étrange vient d'être observé, je crois qu'il est passé au plus près de la Terre le 14 octobre, et on laisse entendre que celui-là pourrait bien venir d'en dehors de notre système solaire. Vous avez suivi cette actualité, Brigitte Zanda? Oui, forcément, c'est quelque chose d'absolument inattendu, extraordinaire, parce qu'on se doute bien que les corps, enfin les étoiles autour desquelles peuvent se former de tels corps qui sont les plus proches du système solaire sont extrêmement loin. Donc cette probabilité, elle est incroyablement faible. Alors après, c'est un objet qui aura croisé la trajectoire de la Terre, qui a une trajectoire tout à fait particulière. C'est ça qui conduit à dire que probablement il ne vient pas du système solaire. On n'a pas encore récolté d'échantillons de cet objet-là. Ça serait absolument fantastique, bien sûr. Un mot là-dessus, Mathieu Gounel, c'est tout de même, oui, évidemment, ça ouvre des perspectives assez vertigineuses. Ça, d'une certaine façon, ça donne un certain crédit à certaines hypothèses, certaines théories tout à fait sérieuses qui disent qu'il y a peut-être 10% justement des corps de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort plutôt, qui est ce gigantesque nuage aux confins du système solaire, qui 10% de ces corps viendraient d'autres systèmes. Donc sur des temps très longs, il y a probablement, en dépit des distances, des échanges quand même entre les systèmes planétaires. Et ça, c'est assez excitant de se dire qu'il y a ce métissage, en quelque sorte, entre des systèmes planétaires voisins. On en reparlera certainement vendredi dans notre journal des sciences. Pour revenir sur Terre, c'est-à-dire sur ces météorites, une fois qu'ils sont tombés chez nous, en tout cas ce qu'il en reste, là-dessus, comment est-ce qu'on les classifie? Comment est-ce qu'on les organise? Quelle est précisément la taxonomie? Ça n'est ni la forme ni le poids, c'est plutôt la composition pierre-métal, c'est ça, Brigitte? Oui, c'est la composition chimique avant tout. Il y a celle qui est justement une composition assez proche de celle du Soleil, globalement, qu'on va appeler les météorites primitives ou chondrites. Et puis il y a les autres, en fait, à qui il manque une fraction de ce matériel, celles qui sont constituées exclusivement de métal, qui ont perdu leur silicate qui allait avec, ou bien au contraire celles qui ressemblent à des basaltes qui forment la croûte de la Terre et auxquelles il manque cette fraction métallique. C'est-à-dire qu'ils ne sont que pierreux. Qui sont que pierreuses, voilà. C'est ce qu'on appelle les achondrites, en fait. C'est un mot qui est assez mal choisi, parce que c'est un A privatif, mais voilà, c'est les achondrites. Donc c'est des basaltes, typiquement, ce sont des basaltes qui ressemblent aux basaltes qui font la croûte de la Terre. En termes de proportions, les météorites qu'on retrouve le plus souvent sont plutôt de type chondritique ou plutôt de type différencié? Oui, environ, les chondrites représentent environ 85% des chutes de météorites sur Terre, donc c'est vraiment l'essentiel de nos échantillons, et c'est intéressant parce que, en revanche, si vous regardez les corps solides du système solaire, ces corps chondritiques, c'est une toute petite proportion en masse. Ce qui représente les corps solides du système solaire. Yep. Donc on a vraiment, qui arrive sur Terre finalement, des restes, des débris de ce qui forme l'essentiel du système solaire. On a une explication justement à cette dissymétrie-là? Oui, parce que l'immense majorité de la masse solide est séquestrée dans des grands corps qui, eux, justement, ont été différenciés, ont évolué géologiquement, donc ont perdu leur nature chondritique. Donc c'est seulement des petits corps qui n'ont pas perdu leur nature chondritique, et c'est cela qui se fragmente le plus facilement, et donc c'est cela que l'on a préférentiellement sur Terre. Brigitte Zanda nous disait tout à l'heure que ces météorites chondritiques sont une sorte de reflet de la composition du Soleil, mais on trouve aussi à l'intérieur un certain nombre de métaux, des métaux atypiques, des métaux... Est-ce qu'on peut parler véritablement de métaux extraterrestres, par exemple, Brigitte Zanda? ils n'ont pas une composition fondamentalement différente du noyau de la Terre. Hein. Mmh. C'est essentiellement du fer avec du nickel, éventuellement quelques éléments de trace. Non, ils ont une composition tout à fait identique. Ce qui est surprenant là-dedans, c'est qu'à la surface de la Terre, on ne trouve pas de fer sous forme métallique, sous forme de métal. Quand on extrait le fer, il faut l'extraire à partir de minerais qu'on va oxyder, en fait, qu'on va réduire. Pardon, excusez-moi. Le carbone va prendre l'oxygène qui est attaché à ce fer pour faire du métal. C'est pour ça qu'il y a un âge du fer qui est relativement tardif. C'est parce que à la surface de la Terre, il n'y a pas de fer sous forme métallique de manière naturelle, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels. On trouve, Mathieu Gounel, des composés, des alliages qui sont des alliages qui sont totalement inconnus, ou en tout cas dans un état naturel sur Terre, comme le dit Brigitte Zanda pour le fer, mais pour d'autres types de métaux plus rares. Oui, bien sûr, on trouve une assez grande proportion de minéraux qui n'existent pas sur Terre, hein, dans les météorites. Peut-être, 200 qui ont été trouvés. J'ai découvert à la NASA il y a quelques années un phosphure de titane et de chrome. C'est pas rare, mais ça s'explique de façon assez simple. Les météorites proviennent de corps dont les environnements géologiques sont très différents de ceux qui sont sur Terre. Donc il y a à la fois aussi, comme Brigitte le disait à juste titre, des minéraux qu'on retrouve sur Terre, hein, parce qu'avec du magnésium, du silicium et de l'oxygène et du fer, il n'y a pas 50 minéraux qu'on peut faire. Mais on trouve aussi un assez grand nombre de minéraux extraterrestres qui n'existent pas sur Terre, tout simplement parce qu'ils ont été formés dans d'autres environnements géochimiques. On a une idée, précisément, ça nous renseigne sur la formation, sur les mécanismes d'accrétion, de formation de ce type de minéraux ? Oui, exactement. Tous ces minéraux sont finalement des sondes géochimiques des environnements de leur formation et donc des environnements de la formation planétaire. Donc grâce à ces minéraux et à d'autres, purement extraterrestres et à d'autres, on arrive à reconstruire l'histoire de la formation planétaire. Et l'histoire d'une chimie cosmologique relativement proche, parce que tout ça reste quand même dans l'ensemble, dans notre environnement extrêmement voisin, celui du système solaire. Oui, c'est un environnement voisin. Donc, les météorites nous racontent vraiment l'histoire du système solaire. Maintenant, on observe de plus en plus des étoiles en train de se former, des planètes en train de se former. Et il n'y a pas de raison que les mécanismes qui aient présidé à la formation de notre système solaire soient très différents ou même différents, tout simplement, de ceux qui président à la formation des autres systèmes planétaires. Oui, c'est tout l'enjeu, en fait, grâce à ces minéraux, de reconstituer l'histoire de la géologie qui peut se placer se passer sur ces petites planètes, et y compris qui a pu se passer il y a très très longtemps sur la Terre, parce que la Terre est une planète qui, ayant fondu, ayant une tectonique des plaques, ayant de l'érosion qui est liée à l'atmosphère, sa surface est complètement renouvelée. Donc finalement, on a accès qu'à des roches qui sont relativement jeunes. Bon, il y a des roches anciennes, bien sûr, sur la Terre, mais on n'a pas accès vraiment à ce qui se passait au tout premier instant après la formation de la Terre. Et grâce à ces roches-là, grâce à ces assemblages minéraux, ça permet de reconstituer une histoire géologique dans des conditions auxquelles on n'a pas accès autrement. La méthode scientifique, Nicolas Martin. avait Fall All Stars de Jack the Ripper sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons des météorites qui tombent bien et qui sont un peu des anciennes étoiles, ou en tout cas des traces anciennes de ce que ont pu être nos étoiles, ou l'étoile, notre étoile, le Soleil, à la formation du système solaire. Nous en parlons avec Mathieu Gounel, qui est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et commissaire de l'exposition météorite entre ciel et terre au même Muséum d'Histoire Naturelle, et Brigitte Zanda, qui est également enseignante-chercheuse au Muséum d'Histoire Naturelle et responsable scientifique du programme Vigiciel, qui est un programme de sciences participatives consacré à l'observation des météorites. Écoutez cette archive. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Чебаркуль, наверное, балуется опять. Voilà, vous entendez ces explosions qui ne sont pas celles issues d'une scène de guerre, mais qui sont l'explosion d'un météore dans le ciel de Russie, puisque je crois qu'à ce moment de l'explosion, on appelle ça encore un météore. Vous m'arrêterez si je me trompe, Mathieu Gounel. C'était à proximité de la ville de Tcheliabinsk en 2013. On entend distinctement une série d'explosions. C'était... Alors, il n'y a pas eu de mort, il y a eu un certain nombre de blessés dus aux explosions, notamment des vitres et des fenêtres. Néanmoins, cette explosion assez rare qui a été filmée, qui a été extrêmement documentée, elle nous a appris un certain nombre de choses précisément sur l'entrée et sur la violence physique, cinétique de l'entrée de ces météoroïdes dans l'atmosphère terrestre. Oui, alors c'est plutôt le météoroïde hein, justement qui explose. Le météore, c'est la trace lumineuse, la traînée lumineuse abandonnée par le météoroïde lorsqu'il traverse l'atmosphère. Effectivement, on était en janvier 2013, si je ne me trompe pas. Février 2013. Et un gros corps de 20 mètres est entré dans l'atmosphère terrestre avec une vitesse de l'ordre de 15-20 km par seconde et a explosé à assez basse altitude. Donc plus un corps est gros et plus il a des difficultés à être freiné par l'atmosphère. Il faut bien comprendre que l'atmosphère agit comme un filtre protecteur. Mais ce filtre protecteur fonctionne d'autant mieux qu'on est petit. Les étoiles filantes, qui sont des micrométéorites, sont freinées à très haute altitude, à 70-80 km/h. Elles ont été complètement freinées. Ensuite, elles tombent en chute libre. Et plus on est gros, plus on est freiné bas. Donc une météorite standard, elle va être freinée vers 30 km d'altitude, 40 km d'altitude. Là, elle est descendue jusqu'à 10-15 km d'altitude. C'est là qu'elle a explosé. Et c'est le souffle de cette explosion, qui équivalente à un très grand nombre de bombes atomiques, qui est parvenu jusqu'au sol et qui a blessé jusqu'à 1000 personnes en détruisant, en soufflant tout simplement des vitres, en détruisant des portes et en endommageant des bâtiments préfabriqués. Qu'est-ce qu'on a pu retenir, en tout cas, qu'est-ce que l'observation de ce phénomène, qui est une observation unique à ce niveau de connaissance et d'étude, a pu nous apprendre précisément sur l'explosion et sur la destruction, l'ablation très tardive et très proche du sol par rapport à ce qui a pu se produire à d'autres moments de l'histoire de la Terre ou par rapport à ce qui pourrait se produire dans des cas similaires, Brigitte Zanda, dans le futur? Disons qu'on connaissait quand même assez bien ce phénomène. Hein. Si on compare les descriptions de la chute de Tcheliabinsk, effectivement, qu'on a en image, et celle, par exemple, de la chute de la météorite d'Orgueil, les témoignages sont incroyablement similaires. Hein. Donc le phénomène est relativement bien connu. Ce qui est moins bien connu, il faut voir que pour le moment, on a reconstitué les trajectoires que d'une vingtaine de météorites, parce qu'on n'a pas d'observations qui sont suffisantes pour ce faire. Donc là, on a effectivement, c'est à peu près la 20e météorite dont la trajectoire a pu être reconstitué. Et puis bien sûr après on a beaucoup plus précisément les paramètres physiques qui sont liés à cet objet puisque l'explosion, enfin c'est pas vraiment une explosion, c'est la fragmentation a été vue depuis le sol. Ces météorites issues de l'explosion de Tcheliabinsk, on les a récupérées, on les a étudiées, on sait aujourd'hui reproduit exactement de quel type de géocroiseur il s'agissait. Oui, bien sûr. Il s'agissait d'un astéroïde ordinaire de type S, hein, comme la plupart des chondrites les plus fréquentes, qu'on appelle les chondrites ordinaires. Ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup d'objets qui sont tombés, hein, probablement des centaines de milliers si on compte les objets qui sont de la taille d'un ongle, ou enfin vraiment tout petits. Mmh. Et puis il y a eu un très gros bloc qui est tombé dans un lac, hein, qui faisait 500 kilos, qu'il a fallu quand même 9 mois pour aller chercher au fond du lac. Mais sinon, il y a quelques dizaines, voire centaines de fragments qui sont à peu près de la taille d'un kilo. Effectivement, les gens les ont retrouvés tout de suite, hein, parce que c'était relativement facile, surtout que des pierres noires sur de la neige blanche, les gens les ont vus effectivement tout de suite. On a une idée statistique du nombre d'objets significatifs qui tombent et qui ne se désintègrent pas totalement dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'on peut retrouver et qui finissent en météorites au sol sur Terre. Mathieu Gounel, c'est assez compliqué à contraindre. Ce qu'on sait pour les corps de la taille de Chelyabinsk, c'est que ça survient environ tous les 100 ans. Un objet, fois... 20 mètres, hein, Chelyabinsk. Oui, voilà. Donc, c'est un objet de 20 mètres et ça, c'est à peu près tous les 100 ans. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que comme cet objet assez considérable en arrivant dans l'atmosphère s'est fragmenté en explosant, les fragments qu'on a retrouvés, même s'ils totalisent environ une tonne et qui sont très nombreux, ça représente une proportion infime de ce qui est arrivé sur Terre. Infime, c'est-à-dire 10%? Beaucoup moins. Un millionième. On l'estime à 10 000 tonnes, hein, la masse de l'objet. Donc on en a retrouvé à peu près une tonne au sol. Ah oui, d'accord. Donc, l'atmosphère a joué son rôle et a vraiment conduit à la fragmentation presque totale de l'objet. Il faut bien comprendre que ces objets qui arrivent sur Terre, ils arrivent avec une vitesse qu'on dit cosmique. Hein, vous le disiez, 20 km seconde, ça fait 72 000 km heure. En termes strictement physiques, l'air, l'atmosphère fait l'effet de quasiment d'un solide. Exactement, c'est vraiment de la même façon que la météorite choque l'atmosphère en arrivant, et bien l'atmosphère choque la météorite en retour. Et donc c'est un choc extrêmement violent, puisque la vitesse relative effectivement peut être de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres par seconde entre les deux corps. Et même si il s'agit d'un fluide, hein, l'atmosphère est un fluide, est un gaz, et bien à cette vitesse-là, c'est ressenti par la météorite, entre guillemets, comme un solide. C'est comme quand vous faites un plat, quand vous tombez dans une piscine, c'est exactement la même chose. Ou si vous tombez de très très haut... Oui, c'est pour ça que la météorite se fragmente. Et en fait, c'est pas vraiment une explosion, c'est simplement qu'elle vient s'écraser contre le mur constitué par l'atmosphère. Et effectivement, à ce moment-là, elle va libérer beaucoup de son énergie cinétique, et c'est ça qui va faire ce choc. Transformer l'énergie cinétique en énergie thermique. Voilà, et qui va se propager jusqu'au sol sous forme d'un choc. Il faut dire aussi que c'est comme l'atmosphère est extrêmement comprimée, hein, comprimez un gaz violemment, vous le chauffez, et il n'a pas le temps du tout de s'échapper. C'est pour ça qu'il va s'échauffer, se transformer en plasma et devenir plus chaud même que la surface du Soleil, à porter littéralement à 20 000 Kelvin. Et ce plasma va entourer l'objet. C'est ça qui fait ce qu'on appelle le météore, le bolide, cette trace fulgurante là que les gens vont voir et qui va traverser l'atmosphère extrêmement rapidement. Question, la Chelyabinsk donc a explosé à 10, ou en tout cas s'est fragmenté à 10 ou 15 km de la surface. Que se passe-t-il quand c'est... Alors, bolide peut-être plus petit, le bolide c'est à partir d'une certaine taille, hein, quand ces météorites un peu plus petits arrivent et touchent, contactent la surface du sol, ça arrive régulièrement, et qu'est-ce qui se produit? Parce que là aussi, il y a des dégagements énergétiques extrêmement, extrêmement importants. Pour des corps plus gros, vous voulez dire? Pour des corps plus gros, pour des corps plus petits, est-ce que des corps plus petits peuvent toucher la surface du sol? Ah oui, bien sûr, oui. Donc les corps plus petits peuvent bien sûr toucher la surface du sol sous forme de météorites, exactement comme c'est le cas pour Chelyabinsk, le phénomène est à peu près comparable. Et puis pour les corps beaucoup plus gros, eh bien eux, l'atmosphère ne suffit pas à les ralentir. C'est comme si dans le fond, il n'y avait pas, si vous êtes suffisamment gros, c'est comme s'il n'y avait pas d'atmosphère. Et donc ces corps parviennent au sol avec leur vitesse cosmique entière, à très très haute vitesse, et là, en touchant le sol, il crée un cratère d'impact. Et ces cratères d'impact, on en a quelques traces, le plus célèbre étant celui de Chicxulub dans le Mexique, qui a valu l'extinction du Jurassique. Oui, on en a plus que quelques traces, il y en a presque 200 sur toute la Terre, de taille variée, un peu sur tous les continents, répartis inégalement, non que les météorites préfèrent tomber en Australie ou au Canada, mais tout simplement parce que ce sont des terrains plus anciens. Et ces cratères, certains ont été provoqués par des météorites extrêmement grandes. C'est le cas de la météorite qui a généré le cratère de Chicxulub au Mexique, qui a 65 millions d'années et dont la formation coïncide avec l'extinction crétacé-tertiaire. Et dont nous avons parlé pas plus tard que quelques semaines ici. On va vous mettre précisément le lien et on y expliquait notamment qu'il n'y a pas certainement que l'impact de cette météorite qui a causé la fin des dinosaures. C'est vraiment beaucoup plus multifactoriel que ça. On vous met le lien sur le fil Twitter de l'émission. Un mot, il y a un cratère en France à proximité de Rochefort, paraît-il. Rochechouart, c'est là où la roche est tombée. Bien entendu, le nom de la ville n'a absolument rien à voir avec le fait qu'une roche y soit tombée, puisque ça remonte à des dizaines de milliers d'années. Non, mais effectivement, il y a un cratère en France, le seul qu'on connaisse à l'heure actuelle, qui est très, très fortement érodé, hein, puisqu'on peut même voir le socle, c'est-à-dire la profondeur du cratère. Il n'y a pas de météorite, comme la plupart des temps, quand il y a un cratère, en fait, parce que la roche est détruite au moment du choc. Donc, tout ce qu'on a, c'est le cratère. Et il y a beaucoup de traces qui sont visibles de ce choc, et en particulier les roches de la Terre qui ont été choquées, fragmentées, réaccrétées. Et le château, l'église, tous les monuments de Rochechouart sont faits dans cette roche qui est spectaculaire. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il nous reste un petit quart d'heure pour parler des météorites. Avec une question tout de même, comment est-ce qu'on fait, Mathieu Gounel, pour dater les météorites? C'est pas simple de dater des météorites. Non, c'est même assez compliqué. Et quelles sont les méthodes scientifiques que l'on utilise? Il y a des débats parfois assez houleux sur les âges des météorites. Alors la méthode globalement est assez simple, hein. Le principe est assez simple, on utilise des éléments radioactifs, donc ça fonctionne grosso modo suivant le même principe que le carbone 14 en archéologie, sauf qu'on utilise d'autres éléments radioactifs. Sur le carbone 14, on ne peut pas remonter au-delà de 50 000 ans. Voilà, exactement, donc on utilise des éléments comme l'uranium, différents isotopes radioactifs de l'uranium, et on arrive à dater les météorites avec une très très grande précision. Donc, en particulier, on a pu dater les solides les plus anciens du système solaire, qu'on appelle les inclusions réfractaires, qui sont des objets blancs qu'on trouve dans certaines chondrites, qui sont très riches en calcium et en aluminium. Et ces objets ont 4567 millions d'années, 4,567 milliards d'années, et sont les objets les plus anciens qu'on ait datés à ce jour, et donc donnent de façon un peu conventionnelle l'âge du système solaire. Alors, l'autre question qui reste entière et qui, elle aussi, divise énormément la communauté cosmologique, la communauté scientifique astrophysique, c'est celle la théorie dite de la panspermie, savoir si précisément certaines météorites ont pu être porteuses de molécules carbonées ou de molécules complexes qui auraient in fine initié, allumé, donné l'étincelle de forme de vie ou de chimie prébiotique. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un avis ou en tout cas une forme d'unanimisme autour de cette question. Il y a encore extrêmement débattu, hein, Brigitte Zanda. Pas si débattu que ça en réalité, parce qu'on n'a jamais trouvé de vraie forme de vie dans une météorite. Ça, jamais. Hein, De forme de vie cellulaire, certainement. La question étant plus de chimie prébiotique. De chimie prébiotique, oui. Bien sûr, dans les météorites, on va trouver les briques du vivant. On va trouver les éléments qui peuvent avoir servi à fabriquer le vivant, d'autant que lors des impacts, vraisemblablement, toute la surface de la Terre a été fondue après sa formation. Et donc, s'il y avait des molécules organiques qui étaient présentes, elles ont probablement été détruites à ce moment-là. Il a donc fallu réensemencer la Terre de molécules organiques et même d'eau d'ailleurs aussi. Hein. Mais dans les météorites, effectivement, on trouve tout un cortège de molécules organiques, et en particulier les acides aminés qui sont l'hybride qui servent à fabriquer les protéines. Mais déjà, ces acides aminés, dans les météorites, on en trouve à peu près 70, alors que le vivant n'en utilise à peu près qu'une vingtaine. Donc ça montre bien que ce n'est pas les êtres vivants que nous connaissons qui ont fabriqué ces molécules. Et puis il y a cette propriété de certains acides aminés, de certains sucres aussi, d'avoir deux formes avec la même formule moléculaire. On peut avoir deux formes géométriques qui sont symétriques comme le sont vos deux mains. Et dans la vie terrestre, pour les acides aminés, on n'utilise que la forme dite gauche de ces acides aminés. Or dans les météorites, on trouve à peu près en proportion égale la forme gauche et la forme droite. Ça aussi, ça semble vraiment indiquer que les acides aminés qu'on trouve dans les météorites n'ont pas été engendrés par une vie. Après, ils peuvent avoir effectivement servi à engendrer la vie, mais je crois qu'il y a quand même vraiment un consensus là-dessus. La théorie de la panspermie, elle était jolie, mais peu de personnes y croient à l'heure actuelle. Mathieu Gounel ? Oui, effectivement. Je pense que la question intéressante scientifiquement, c'est de savoir comment on passe du non-vivant au vivant. C'est ça la question. Ça, c'est le premier point. Ce passage, on ne sait pas du tout comment il a pu se faire. Il s'est fait sur Terre, c'est à peu près la seule chose qu'on sait. Les météorites, effectivement, ont apporté de la matière organique sur Terre au début de son histoire. Mais il y a aussi de la matière organique qui a été apportée sur Mars par les mêmes météorites. Donc la question qu'il faut se poser, je pense, c'est comment se fait ce passage et quel est l'environnement dans lequel il s'est fait. Et la Terre, finalement, n'est pas un si mauvais endroit, en définitive. Pourquoi ? Parce que dans la Terre, depuis sa naissance, il y a une très grande diversité d'environnements géologiques, relativement complexes, l'énergie à disposition sous différentes formes de l'eau. Donc cette espèce de mythe d'aller vouloir, de la panspermie, d'aller vouloir chercher le début de la vie ailleurs, déjà, c'est peut-être pas si intéressant que ça, parce que la question, c'est pas de savoir où elle a apparu, mais comment elle a apparu, quels sont les processus qui ont permis le passage du non-vivant au vivant. Et puis ensuite, si on réfléchit un petit peu, de fait, la Terre est probablement un endroit beaucoup plus favorable, par exemple, que les astéroïdes. L'activité géologique des astéroïdes, dans leur immense majorité, s'est arrêtée au mieux 10 millions d'années après la naissance du système solaire, tandis que celle de la Terre, se poursuit encore maintenant. Donc, si on compare, par exemple, la Terre aux astéroïdes, dans lesquels certains chercheurs avaient cru, enfin, certaines météorites dans lesquelles des chercheurs avaient annoncé avoir découvert la vie, eh bien, finalement, la Terre est quand même un endroit beaucoup plus favorable. Donc pour cette question, je pense que vraiment il faut se poser la question des processus physiques et puis la question de l'environnement. Mais alors, il y a une étude assez récente de l'université canadienne de McMaster qui affirme que les débuts de la vie sur Terre, qui l'a fait remonter à plus loin que ce qui était le consensus scientifique jusqu'à présent, qui l'a fait remonter à 4 milliards d'années. 4 milliards d'années, c'est rien du tout à l'échelle cosmologique. Hein, c'est à peine 500 000 ans après la formation de la Terre, c'est-à-dire après la formation de la Terre comme une espèce de boule chaude d'accrétion, suite au bombardement intensif de météorites et de l'effet dit des étangs chauds. Est-ce qu'on peut tout de même penser effectivement que il y a eu quelque chose qui s'est passé sur Terre, certainement grâce à l'apport de ces différents acides aminés ou de ces différentes molécules carbonées complexes. Que pensez-vous, vous, de cette... Vous la connaissez certainement, cette étude Il s'est certainement passé quelque chose sur Terre, de fait, on est là pour en parler. Effectivement, les météorites ont apporté de la matière organique, il y a eu des impacts qui ont pu générer des sources d'énergie localisées, favorables à développement... D'une chimie. Au-delà de ça, je suis pas certain qu'on puisse dire grand-chose. Ensuite, faire remonter dans le temps, c'est le début de la vie, c'est intéressant, c'est important. Mais je sais que c'est aussi un domaine dont je suis pas spécialiste, mais dans lequel il y a des controverses à chaque fois sur est-ce que la matière organique est vraiment d'origine biotique ou pas. C'est ça la grosse, le gros sujet de controverse, c'est la grosse difficulté, c'est être sûr quand on voit une forme, disons, organisée. En général, la matière organique n'est pas préservée, hein. C'est pas de la matière organique qu'on a retrouvée il y a 4 milliards d'années. Ce qu'on retrouve, c'est des éléments organisés, être vraiment sûr qu'il n'y ait pas d'autre manière de fabriquer ces choses-là. Et là, c'est vraiment un énorme sujet de controverse, autant sur le fait qu'il n'y a probablement pas la panspermie, il y a finalement assez peu de controverses à l'heure actuelle sur les origines réelles et quelles sont vraiment les premières traces du vivant qu'on peut retrouver. Là, il y a vraiment un immense domaine de controverses, en fait. Pour conclure, il nous reste quelques minutes. Quelles sont les futures missions qui pourraient précisément nous apporter plus de renseignements sur ces météorites? Qu'est-ce que les météorites peuvent nous apprendre encore, outre ce que vous nous avez dit aujourd'hui, en tout cas sur justement ces réactions de chimie organique prébiotique qui auraient pu avoir lieu au départ? Comment est-ce qu'on observe encore? Comment est-ce qu'on cherche à rassembler et à augmenter, à préciser notre connaissance sur ces différentes météorites? Je pense évidemment à votre opération Fripon, j'aime beaucoup ce mot, Fripon, ça m'amuse énormément. Fireball Recovery Interplanetary Observation Network en anglais, ça se dit Fripon. Racontez-nous un peu ce programme vigiciel, Brigitte Zanda. Alors, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai rencontré François Collat de l'Observatoire de Paris et Sylvain Boulet de l'Université Paris-Sud en 2011, hein, suite à la chute de la météorite de Draveil, dont Mathieu a parlé tout à l'heure. Et François avait l'idée de déposer une demande auprès de l'Agence nationale pour la recherche pour financer un réseau de caméras pour surveiller le ciel, parce que maintenant les gens sont plus tellement dehors pour voir tomber les météorites. Et moi, j'avais l'idée que ce serait bien de remettre le public au cœur de la recherche de ces météorites, parce que c'est pas quelques scientifiques avec leurs petites jambes qui vont aller chercher sur le terrain. Ou leurs petits yeux, en l'occurrence. Et c'est surtout que c'est assez difficile. Non, aller chercher sur le terrain, c'est ses petites jambes pour aller se promener. Ce que Mathieu Gounel va faire dans le désert d'Atacama. Mais justement, c'est un désert. La France, c'est pas un désert. Il y a énormément d'endroits qui sont pas accessibles. Donc, on s'est regardé. C'est un peu comme dans Lucky Luke. Ah, toi, t'as des haricots. Moi, j'ai du lard. On va faire des haricots là. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Et on a déposé ce projet juste 2 semaines. C'est pour ça que je connais bien la date de la chute de Tcheliabinsk. 2 semaines avant la chute de Tcheliabinsk. Et à mon avis, ça a peut-être contribué à faire effectivement fonctionner, financer ce projet. Donc, le projet Fripon, c'est donc de surveiller le ciel pour voir tomber les météorites, voir cette trajectoire dans l'atmosphère qui est visible donc sous forme de météores entre à peu près 100 km d'altitude et 20 km d'altitude. Et avec ça, de reconstituer les trajectoires et de les extrapoler vers l'arrière pour avoir plus de précision sur les objets dont viennent les météorites. Et vers l'avant, bien sûr, pour savoir où elles sont tombées. Et pour essayer de les trouver, de trouver ces chutes le plus rapidement possible. Et pour pouvoir effectivement préserver des objets qui sont intacts. Et donc l'idée de Vigiciel, c'est de mettre le public au cœur de cette démarche, de lui faire mieux comprendre l'intérêt scientifique de ces objets, pourquoi ils doivent venir dans des musées, pourquoi c'est intéressant de les retrouver très vite. Et donc il y a à la fois le fait d'inciter les gens à participer et de leur donner aussi un certain nombre de connaissances de base sur ces objets, pourquoi ils sont intéressants. Et comment est-ce qu'on peut participer à Vigiciel pour nos auditeurs? Alors le site de Vigiciel va ouvrir là dans les semaines qui viennent. Ce sera un premier site qui va être plus détaillé, mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé pour le moment, c'est qu'on a eu 2 chutes dont on est à peu près sûr qu'il y a des objets qui sont au sol. Donc nous, on est allé sur place un certain nombre de fois. Alors une du côté de Roanne, et puis une du côté de Chambord. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les locaux qui cherchent, qui prennent possession entre guillemets du projet, qui s'approprient le projet et qui vont chercher les clubs locaux, nos correspondants fripons, ceux qui ont les caméras, ou des gens qui, j'aime beaucoup vos correspondants fripons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ils aiment ça aussi en général. Hein. Écoutez, si vous voulez venir correspondant fripon, on va vous mettre toutes les informations sur le site de l'émission sur franceculture.fr et sur notre fil Twitter. On vous tiendra au courant de l'ouverture, vous nous direz, et on vous mettra toutes ces informations. On en reparlera certainement dans les prochains journaux des sciences de la méthode scientifique. Donc, restez à l'écoute. Merci beaucoup, Brigitte Zanda. Je rappelle, Impact des météores au cratère, c'est un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Sylvain Boulet aux éditions Belin. Merci beaucoup, Mathieu Gounel. On reparle évidemment de l'exposition météorite entre ciel et terre au Muséum d'histoire naturelle dans la Grande Galerie de l'Évolution, avec un très beau catalogue et la belle histoire des météorites et météorites à la recherche de nos origines, deux ouvrages qui sont coédités par Flammarion et le Muséum. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous enjoint d'aller vite fait vous rendre au Muséum d'histoire naturelle pour voir cette très belle expo. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lezen, Avetienne, Mine Naguet, Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomei, Elisabeth, pas du tout Elisabeth Miro, c'est Milena Elig à la réalisation cette semaine, Emmanuel Mordinquant à la technique et Jean-François Souvigny au droit d'auteur.